Une affaire d'espionnage, une enquête de l'inspecteur Pinson par Jacques Bellem. Les agences d'information avaient fait passer aux journaux du soir une première note qui, pour ne pas être très explicite, appelait encore l'attention du public sur ces affaires d'espionnage qui semblaient devenir de plus en plus fréquentes en France. Il s'agissait dans le cas présent d'une affaire qui semblait bien mystérieuse et dont on ne voyait pas le développement. Les faits étaient les suivants. Des tirs de guerre avaient été effectués par l'escadre à Cherbourg en vue de faire passer des essais avec un projectile d'un modèle nouveau. Les autorités maritimes avaient mis à l'ancre en mer un vieux navire hors d'usage qui devait servir de cible aux tirs du canon. Or, plusieurs coups avaient déjà été tirés, aux premières heures du jour, le matin même, quand les officiers de marine, se servant de leur longue-vue pour juger de la précision des coups, aperçurent, sur le pont du navire abandonné, un homme qui agitait les bras et faisait des signaux de détresse en se servant d'un mouchoir. L'amiral, prévenu, ordonna de cesser le feu et une embarcation, montée par un officier et des fusiliers marins, fut aussitôt dépêchée dans la direction de l'épave. À bord, ils trouvèrent un homme jeune encore, celui-là même qui avait fait les signaux à demi-fou d'effroi, et un autre, plus âgé, dont le cadavre fut découvert à l'endroit qui était autrefois le carré des officiers. Un des obus tirés sur le vieux navire avait pénétré par le hublot et l'homme avait la tête emportée. Le spectacle était épouvantable, car la matière cervicale avait jailli de toutes parts et le sang inondait le plancher. Le survivant, arrêté aussitôt, ne put donner que des réponses assez évasives sur sa présence à bord, d'autant plus que la frayeur dont il avait été l'objet semblait avoir momentanément paralysé ses facultés. Les agences terminaient leur information en ajoutant que les autorités maritimes croyaient à une retentissante affaire d'espionnage à laquelle une puissance très voisine n'était probablement pas étrangère. Ce dernier était sous toute réserve cependant. Les journaux du matin, tout en publiant de longs articles avec la photographie de celui des deux espions qui avaient été capturés vivants, ne fournissaient guère de faits nouveaux. L'homme refusait obstinément de dévoiler son identité et comme on n'avait trouvé ni sur lui ni sur le mort aucun papier pouvant trahir leur identité, on en était réduit aux conjectures. Un fait, toutefois, semblait acquis. À l'accent du survivant et à la coupe, à l'étoffe de leurs vêtements, les deux espions devaient être de nationalité anglaise. Et là-dessus, toute la presse anglophone de verser des flots d'encre sur les agissements de la perfide Albion au moment même où elle nous berçait des rêves d'une entente cordiale. Toujours très flegmatique devant les attaques d'une certaine presse, le gouvernement britannique crut cette fois devoir sortir de son calme proverbial et une note officieuse de l'ambassade donna le démenti le plus formel au bruit désobligeant qui courait. Les autorités maritimes françaises n'en voulaient cependant pas démordre et la situation menaçait de devenir assez tendue entre les deux nations, d'autant plus que le prisonnier refusait toujours de dire quoi que ce soit. Le quatrième jour de l'incarcération de l'inconnu, le directeur de la prison reçut la visite d'un des plus fins limiers de la Sûreté de Paris, l'inspecteur Pinson, porteur d'une lettre d'introduction auprès de lui. Le directeur fit une moue suffisamment significative, car les autorités de la marine, pas plus que celles de la guerre, du reste, n'aiment à voir la police civile s'immiscer dans leurs enquêtes. Néanmoins, comme les instructions qu'il recevait émanaient de haut, force fut bien au directeur de recevoir l'inspecteur de la sûreté. Son accueil, néanmoins, fut plutôt froid. Pinson, qui s'y attendait, ne se laissa pas démonter pour si peu et sans autre préambule lui déclina l'objet de sa visite. Il désirait être mis en présence de l'inconnu. « Avez-vous découvert quelque chose sur lui ?» demanda le directeur ailleurs. « Oui et non. En tout cas, j'ai une certaine théorie. »« Ah, vous avez toujours des théories, vous autres, messieurs de la sûreté, » interrompit le directeur. « Que je voudrais mettre en pratique ?» continua Pinson sans se laisser décontenancer. « Et comme mes instructions sont formelles, fort bien, » répliqua l'autre d'un air pincé. « Je vais faire venir le prisonnier ici même, dans mon cabinet. Vous pouvez l'interroger tout à votre aise. » Quelques instants après, l'inconnu pénétrait dans le bureau du directeur, les menottes au poignet, et entre quatre fusiliers marins, l'arme au bras. « S'adressant au prisonnier, le directeur lui dit en désignant Pinson « Monsieur que voici désire avoir quelques mots d'entretien avec vous. » L'autre demeura muet. Pinson le considéra un moment en silence, puis, tout d'un coup, avec un large sourire bon enfant, « Eh bien, Jim Clarkson, c'est donc comme ça que l'on se retrouve ?»« Vous vous trompez, monsieur, » fit l'autre avec un accent étranger très prononcé. « Mon nom n'est pas Jim Clarkson et je ne vous connais pas. »« Allons donc, mon ami, vous vous méprenez. » »« Avez-vous donc oublié que nous nous sommes rencontrés, vous et moi, et votre ami Bob Spencer, qui vient de mourir, et malheureusement écrabouillé à bord du vieux navire là-bas au large ?» Il y a tantôt 2 ans, après un cambriolage chez un de vos compatriotes, un entraîneur de chantilly. L'inconnu devint blême et ne répondit pas. Vous vous obstinez sottement dans un silence fâcheux pour vous, mon ami. Vous n'avez jusqu'ici aucune condamnation sur la conscience, puisqu'on n'a rien pu découvrir d'accablant contre vous à Chantilly. Pour cette affaire qui nous occupe, vous risquez gros. Si vous êtes convaincu d'espionnage, tandis que si vous nous racontez tout bonnement votre tentative de cambriolage au château de Maupertuis, vous vous en tirerez à bon compte. Quelques mois de prison au plus, et tout sera dit. Croyez-moi, c'est un conseil d'amis, que je vous donne là de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, une fois au moins dans votre existence. D'abord, cela vous changera. Un silence suivit ces paroles de Pinson, puis le prisonnier s'écria. Eh bien oui, je suis bien Jim Clarkson. Mon camarade, qui a trouvé la mort là-bas, se nommait Bob Spencer. Voici les faits, tels qu'ils se sont passés. Bob était un professionnel du cambriolage, qui dépensait sur les champs de course le produit de ses vols. C'est là que je fis, il y a quelques années, sa connaissance. Vous savez combien rapidement on se lie avec des inconnus, aux réunions sportives. C'était en outre un compatriote. Un jour vint où je n'avais plus assez d'argent pour jouer. Il mit généreusement sa bourse à ma disposition. J'y puisais à plusieurs reprises et dès lors, il me tint bien en main. Nous nous retrouvions chaque jour dans un bar où il m'expliquait par le menu les expéditions qu'il projetait et auxquelles il ne cessa plus de me mêler. J'avais un pied dans l'engrenage, tout le corps y est passé. Grâce à lui, je fis, il y a quelques semaines, la connaissance à Paris de Mademoiselle Valérie Mallet, la femme de chambre de la comtesse de Maupertuis. Par elle, nous eûmes tous les renseignements que nous désirions sur ces maîtres qui devaient venir passer l'été dans leur château ici aux environs. Une nuit, la veille de mon arrestation et de la mort de Bob, nous nous introduisîmes avec effraction dans la cuisine du château, mais un de mes instruments glissa de mes mains et s'en fut tombé sur un chat qui dormait auprès de l'âtre. La bête, réveillée en sursaut, hurla de douleur et par une porte entr'ouverte, gagna les étages supérieurs, réveillant toute la maison par ses cris. Bob et moi, nous n'eûmes que le temps de nous échapper en laissant nos outils derrière nous. Si vous êtes allé au château, vous avez dû les y voir. Je les ai en ma possession, répondit Pinson. Un petit attirail bien brillant, bien coquet, bien complet, de vrais bijoux. Nous courûmes à perdre haleine, jusque sur la plage qui se trouve au bas du château de Maupertuis. Espérant dépister ceux que nous pensions être à nos trous sur la route de Cherbourg, nous avions projeté de détacher une barque de pêcheurs et de gagner le port par voie d'eau. Un coup de vent se leva, et nous fûmes entraînés au large, malgré tous nos efforts, jusqu'à proximité de ce grand navire. Après tout, on nous y recueillerait bien comme des amateurs de canotage emportés au large par la marée. C'était d'autant plus plausible que le jour commençait à poindre, et que nous pouvions fort bien être partis pour faire une partie de pêche aux premières heures du matin. Nous eûmes beau héler du navire, personne ne nous répondit. De guerre lasse, nous gravîmes les quelques marches de l'escalier qui conduit à la coupée, et peu après nous étions à bord. Là, nous ne trouvions âme qui vive, n'y comprenant rien. Une frayeur indicible s'empara de nous, et nous décidâmes d'attendre qu'il fît grand jour pour gagner notre barque. Mais le malheur voulut que celle-ci, mal attachée, s'en fût allée à la dérive, et il ne s'en trouvait aucune autre à bord. C'est alors que résonnèrent les premiers coups de canon, dont les obus frappaient les plaques blindées en produisant un bruit assourdissant. Bob, qui était allé s'étendre sur une couchette pour y trouver un repos de quelques heures, fut réveillé par le vacarme et c'est lorsqu'il cherchait à regagner le pont pour me rejoindre qu'un obus, passant par un hublot, vint lui broyer la tête. Vous savez le reste. Faites de moi maintenant ce que vous voulez. Ainsi devait se terminer cette fantastique affaire d'espionnage née dans l'imagination féconde des autorités maritimes. c'était une rapide enquête de l'inspecteur Pinson par Jacques Bellême.